Mireille Kanyang. Fidèle auditrice, auditeur de la radio Isanganiro, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grands titres. Le chef de l'État burundais pointe du doigt des fonctionnaires qui se présentent au travail mais restent improductifs. Dans cette édition, des politiques s'expriment sur la naissance d'une coalition dénommée Burundi Bwabose à la veille des échéances électorales de 2025. Signature lundi passée par les responsables des médias d'un code de conduite en période électorale. C'était lors d'un atelier organisé par le Conseil national de la communication, CNC. Dans cette édition, on revient sur certains articles de ce code et la mise en onde est assurée par François Akiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir, les fonctionnaires de l'État qui se présentent au travail mais qui passent des journées à tourner le pouce sont à l'origine des dysfonctionnements de l'économie burundaise. Ceci a été évoqué samedi par le président burundais Evariste Ndayishimiye lors d'un panel animé avec les anciens chefs d'État. Et le président Evariste Ndayishimiye a demandé à ses fonctionnaires de se ressaisir. Suivez-le plus tôt dans cette traduction française de Romuald Nuyabivuz. Les personnes qui me posent problème sont les fonctionnaires de l'État, les autorités. Ils se présentent au travail pour ne rien faire. Ils aiment dire « je vais au travail », ils ne vont pas pour être productifs. Un fonctionnaire de l'État est comme un commandant qui ordonne des soldats qui sont déjà à l'œuvre. C'est-à-dire, si tu travailles au sein du ministère de la Santé, tu dois penser que les gens doivent travailler et pour cela doit être en bonne santé. Alors, que fais-je? Dans ce cas, tu fais là en sorte que les gens aient la santé. Un malade sera traité sans traîne. Mais tu peux trouver ceux qui travaillent dans le domaine de la santé qui vont au bureau pour s'asseoir simplement. Il y a des gens qui ne savent pas jusqu'à maintenant d'où vient le budget de l'État. Ils pensent qu'il existe un coffre plein d'argent. C'est pourquoi souvent tu entendras quelqu'un dire « on arrête jusqu'à ce qu'on augmente le salaire ». On dirait que s'ils arrêtent, ce salaire sera disponible. C'est ce genre de gens qui me posent problème parce qu'il y a ce qu'on appelle engagement de l'État. Beaucoup pensent que ça concerne les autorités seulement. L'État, c'est tout le pays. Alors, l'engagement de l'État nous concerne tous, que ce soit un citoyen ou une autorité. Chaque engagement prime. Nous devons faire le tout possible. Premièrement, nous devons avoir la paix. Est-ce les autorités seulement qui en ont besoin? Nous devons être performants, il doit y avoir une bonne gouvernance, pas d'injustice. Il faudrait qu'il y ait plus de personnes qui passent des journées au tribunal. C'est une perte car c'est une journée perdue pour eux. Le parti Alliance nationale pour la démocratie Nadohoka dit avoir bien accueilli la naissance de la coalition des partis Frodebu, Kodebu, Fede Sangira et CNDD dénommé Burundi Bwabose pour mieux se préparer aux échéances électorales de 2025. Gaspard Kobako, président de ce parti, trouve cependant que cette coalition, comme d'autres formations politiques, pourrait se heurter aux défis liés à l'intolérance politique si rien ne change sur terrain. On l'écoute. Mon appréciation, c'est que d'abord, c'est permis par la loi, c'est consacré par le code électoral et c'est une bonne chose que les gens se mettent ensemble pour conjuguer leurs efforts afin de faire aboutir leur programme, leur projet de société dès lors qu'ils se rapprochent. Nous pensons que c'est une bonne chose. Et les coalitions se font généralement à la veille des élections. Et ce n'est que normal, mais derrière ça, il peut y avoir une spéculation des uns et des autres. Et c'est une arme à double tranche, si vous voulez. Donc nous pensons que la coalition c'est une bonne chose et la coalition qui vient de naître, nous lui souhaitons une bonne chance, peut-être parce qu'elle est dirigée par un jeune leader, ça va marcher, parce que dans le temps, il a été démontré que les gérontocrates veulent aussi rester, s'opposent aux jeunes qui doivent être promus. Donc nous disons que c'est peut-être une coalition qui a de la bonne chance et nous lui souhaitons d'aller de l'avant. Des défis, il y en a, parce qu'il y a des violences verbales, il y a des violences physiques. Il y a des emprisonnements, il y a des disparitions forcées qui n'ont cessé d'être dénoncées par les organisations de la société civile, par les partis eux-mêmes concernés. Souvent, on fait des réunions, les autorités sont vraiment rassurantes, mais au niveau de la base, les gens se comportent comme s'ils étaient vraiment dans une véritable jungle. Je ne sais pas si c'est dû aux instructions données en sourdine On ne sait pas si c'est fait d'initiative, donc d'initiative malheureuse, mais en tout état de cause, ce qui est visible, le climat risque de dégénérer. Et nous appelons les autorités qu'ils continuent à apaiser le climat pour que les élections se déroulent dans un climat favorable, de manière transparente, de manière cohérente et de manière apaisée. Les défis, il y en a. Il y a des violences verbales, il y a des violences physiques, il y a des provocations. Et le parti Uprona, lui aussi, apprécie la naissance de cette coalition. Cela étant, Olivier Nkurunziza, président de cette formation politique, indique que le parti Uprona ne rêve pas d'une formation de coalition, mais qu'il ira seul dans les élections prochaines. Suivez. La mise en place d'une coalition, c'est permis par la loi burundaise, la constitution, code électoral, mais aussi la loi des partis politiques. Mais ce que je crois, chaque fois, ça se fait au Burundi, ce n'est pas la première fois. Alors, au niveau du parti Iprona, ce que nous annonçons est que le parti Iprona participera dans les élections seules. Parce qu'on ne peut pas participer dans une coalition sans que vous avez une même vision, sans que vous avez une même idéologie, toutefois parce que vous avez la colère de faire ceci. Il faut qu'il y ait bien sûr une coalition solide, mais au Burundi, pratiquement, le problème des gens qui manipulent étant à l'extérieur, des mains invisibles peuvent manipuler facilement la coalition. Alors c'est ça le défi que nous voyons. Le parti Iprona participera dans les élections, va toujours construire le pays, il a ses positions, il a son propre programme politique, alors nous souhaitons la bonne chance, nous allons participer dans les élections, faire la compétition comme le parti l'a exigé. C'est ça ce que nous pouvons dire. Autre chose, c'est que chaque parti a sa façon de faire. Si les partis politiques qui ont fait la coalition, leurs membres ont décidé de participer dans l'élection, qu'ils participent. Mais pour le parti Iprona, nous allons participer dans les élections étatiques. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Poursuivons avec cette édition. Je vous l'annonce en titre. Les médias burundais doivent s'interdire de diffuser des résultats partiels des circonscriptions électorales sans le coup d'envoi de la Commission électorale nationale indépendante CENI ou de ses démembrements. Ceci ressort du code de conduite des médias en période électorale en code signé le 9 décembre de cette année en province Gitega lors de l'analyse du cadre légal des élections au Burundi. L'article 5 de ce même code dit que les médias ont droit à la sécurité et à la protection de leurs journalistes et de leur patrimoine. Plus de détails avec Ornella Mucho. Dans l'exposé des motifs du Code de bonne conduite des médias en période électorale, le Conseil national de la communication, CNC en sigle, indique que l'élaboration d'un Code de conduite des médias en période électorale est indispensable dans le but de mieux réguler le processus électoral de 2025. Les articles 10 et 19 de ce code de conduite stipulent que les médias doivent s'interdire de diffuser des résultats partiels des circonscriptions électorales sans le coup d'envoi de la Commission électorale nationale indépendante CENI et ou ses démembrements, et qu'aussi le journaliste étranger accrédité par la couverture des élections au Burundi est soumis au respect des dispositions du présent code. Dans ce même code signé par les responsable des médias le 9 décembre 2024 lors de la réunion tenue à Gitega organisée par le Conseil national de la communication, CNC en sigle, les médias sont interdits de tout commentaire partisan ou malveillant à l'égard des partis politiques et de leurs programmes et tout dénigrement des partis politiques ou des candidats, mais aussi sont interdits de promouvoir et de rapporter les discours et programmes politiques favorisant le mensonge, l'achat des consciences et les incitations à la fraude électorale. Au deuxième chapitre de ce code de conduite, à l'article 5, les médias ont droit au libre accès aux sources d'information, à la sécurité et à la protection de leurs journalistes et de leur patrimoine, mais aussi à l'accès équitable au financement public. À l'article 18, les institutions telles que la Commission électorale indépendante CENI, le Conseil national de la communication CNC, s'acquittent de leurs obligations pour tout règlement des différends qui viendraient opposer les partis fait de la non-observation des règles du jeu électoral. Ornella Mucho, le phénomène de femmes et filles mendiantes dans certaines rues de la mairie de Bujumbura persiste. Patrice Sabogouriba, sociologue, explique que certaines personnes mendient par mauvaise habitude. De son côté, Fulgence Sindaï Heboura, chef de zone Rohiro, affirme qu'en collaboration avec l'administration municipale, ils sont en train de retirer toutes les personnes mendiantes dans la rue, dans les rues, pour, dans la ville plutôt, pour les amener en province Changuzo, où ils reçoivent une formation professionnelle. Le point avec Lydie Gahimbari. Rencontré à côté de Boulevard de Liprona avec sa petite fille en vêtements déchirés, cette femme âgée de 68 ans tend ses mains vers le haut à toute personne qui peut passer à côté d'elle. Elle nous a fait savoir qu'elle a pris la décision de mendier parce qu'elle a été chassée de sa maison par son beau-frère après avoir perdu son mari. Une autre femme veuve, rencontrée également tout près de la Zokabo, affirmait qu'elle fait la mendicité pour nourrir ses 6 enfants laissés par son mari il y a 3 ans. Cette jeune femme que nous avons rencontrée tout près d'un centre de santé chez Winagana avec ses 25 ans, elle nous a raconté que son frère l'a chassée parce qu'elle a mis au monde un enfant alors qu'elle était encore jeune. Pour le moment, elle ne fait que mendier pour nourrir son enfant. Patrice Sabogouheba, sociologue, explique qu'il y a des gens qui font la mendicité pour leurs mauvaises habitudes. Mais selon lui, il y a d'autres qui le font par la pauvreté. Quand je parlais de la paresse, de la manie, de la pauvreté, il y a aussi une pauvreté aiguë nationale liée, par exemple, à la précarité au niveau national. Il explique également que cela a des conséquences, même pour le pays. Des incidents peuvent lui arriver et tomber encore enceinte. L'enfant qui est né d'une mère mendiante, l'enfant ne sera pas à l'école, ne sera pas pris en charge par le gouvernement, parce que le gouvernement va exiger le père. L'enfant n'aura pas de soins de santé, l'enfant n'aura pas de justice, l'enfant n'aura pas de protection sociale en fait. Sa mère qui devrait bénéficier des soins de santé en cours de grossesse, sa mère qui devrait être assistée pendant l'accouchement, sa mère qui devrait être soignée comme une mère comme les autres, perd de facto tous les avantages accordés par la nation. Et l'enfant perd tous les avantages sociaux accordés par la nation, accordés par le pays. Fulgence Sindaï Heboura, chef de zone Lohero, affirme qu'en collaboration avec l'administration de la mairie de Bujumbura, avec le ministère de la Solidarité, qui a un projet de retirer toutes les personnes mendiantes dans la ville de Bujumbura pour les amener dans la province de Changuzo, où elles reçoivent une formation professionnelle. Didi Gahimbari, à l'intérieur du pays, l'administrateur de la commune Nyamurenza en province Ngozi, depuis samedi, locataire de la prison pour hommes de Ngozi, Alexis Nzwenayo, est accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Il aurait laissé 4 Rwandais entrer au Burundi pour participer à l'enterrement d'un membre de leur famille, nous rapporte Apollinaire Muzagara. Comme c'est mentionné sur l'ordonnance ministérielle numéro 530/799 du 13 décembre 2024, l'administrateur de la commune Nyamurenza en province Ngozi a été suspendu de ses fonctions, puis conduit à la prison pour hommes de Ngozi sur mandat d'arrêt, libéré par le procureur général pour la cour d'appel de Ngozi. Alexis Nzwenayo est accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Dans cette ordonnance, le ministre de l'Intérieur accuse l'administrateur d'avoir affiché un comportement scandaleux sans plus de détails. Selon des informations émanant de Nyamurenza, commune frontalière du Rwanda, Alexis Nzwenayo aurait facilité l'entrée de 4 Rwandais qui venaient enterrer le leur, chose qu'il rejette. Cet administrateur de la commune Nyamurenza avait remplacé Cesari Nizigimana, limogé, accusé de perturbation lui aussi de l'ordre public. Le gouverneur de la province Ngozi a été chargé de mettre en application cette ordonnance ministérielle limogeant Alexis Nzwenayo de Ngozi. Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Page santé de cette édition. En province Bururi, plus de 80 000 enfants d'un âge compris entre 6 et 5 à 9 mois sont attendus dans cette province pour recevoir la vitamine A contre la cécité au moment où plus de 70 000 enfants de 12 à 5 à 9 mois bénéficieront du déparasitage à l'albendazole. C'est dans une campagne organisée du 18 au 20 décembre de cette année. Colonel Leonidas Bandenza Maso, gouverneur de cette province, appelle les représentants de la population à sensibiliser pour la réussite de cette campagne. Le point avec Zenon Nzambimana. Au cours de cette campagne organisée à partir de ce mercredi 18 décembre de cette année jusqu'à ce vendredi 20 du même mois, plus de 80 000 enfants de 6 à 5 à 9 mois sont attendus dans toute la province de Bururi pour recevoir la vitamine A contre la cécité. Ces enfants bénéficieront également d'un dépistage de la malnutrition aiguë. Au cours de cette même campagne, il est prévu le déparasitage à l'albendazole pour plus de 70 000 enfants de la province de Bururi, de l'âge compris entre 12 et 5 à 9 mois, selon les données en provenance du Bureau provincial de la santé à Bururi. Toutes ces activités seront exécutées par les agents de santé communautaire sous la supervision des responsables sanitaires. Cela a été dit à la fin de cette semaine. C'était au cours d'une réunion de mobilisation provinciale sur cette campagne. Colonel Dasman Lesamasso, gouverneur de la province de Bururi, a appelé les administratifs à la base et d'autres responsables à sensibiliser la population pour la réussite de cette campagne. Dopi Bururi, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique sport. Le nombre de buts marqués dans la phase aller du championnat national de football Primus League de 2019 à 2022 a connu une baisse de 312 à 242 selon l'enquête effectuée par un consultant sportif indépendant. La raison de cette baisse serait l'effectif plus élevé des joueurs burundais qui ont été recrutés dans les clubs rwandais. Docteur Jean-Claude Ndoudi Majambele fait savoir que le nombre de buts marqués dans la phase aller de cette saison est passé de 242 à 238 suite à la décision prise par la Fédération rwandaise de football de ne plus recruter beaucoup de joueurs étrangers. Jean-Marie Vianney, Gendakoumane. Comparativement à la phase aller du championnat national de football en première division de 2019 à 2022, le nombre de buts qui ont été marqués a connu une baisse de 70 buts. Cela ressort d'une enquête qui a été menée par Dr Jean-Claude Ndoudi Majambele, consultant sportif indépendant. Le nombre de buts marqués au cours de la phase aller de Primus League, ça a significativement diminué comparativement à la phase aller de 2019 jusqu'en 2022. Le nombre de buts a passé de 312 à 242, soit une différence de 70 buts. Donc c'est une différence vraiment significative. Est-ce qu'il doit y avoir quelque chose qui s'est passé pour pouvoir expliquer cette baisse du nombre de buts marqués? Ce consultant sportif indépendant fait savoir que l'effectif plus élevé des footballeurs burundais qui ont été recrutés par certains clubs rwandais serait à l'origine de cette situation. Au cours de l'année 2019-2020, il y a eu un flux important des joueurs et des footballeurs burundais qui sont partis pour évoluer dans des clubs rwandais. C'était des meilleurs joueurs, les meilleurs du championnat. Il y a eu plus de 20 joueurs qui sont partis évoluer dans le championnat rwandais. Donc, ce qui a expliqué la baisse du niveau du championnat ou bien la baisse du nombre de buts marqués au cours de la phase aller, soit 2019-2020, 2021-2022. Donc, c'est surtout ça qui pourrait expliquer cette baisse du nombre de buts marqués. Lors de la saison de 2022 à 2024, le nombre de buts marqués dans cette phase aller du championnat Primus League a connu une hausse de 86 buts, selon toujours Dr Jean-Claude Ndoudi Majambele. Quand on analyse de 2022 à 2024, il y a eu une hausse du nombre de buts marqués au cours de la phase aller. En 2022, comme on l'a déjà dit, il y avait 242 buts qui ont été marqués au cours de la phase aller. Mais actuellement, pour la phase aller du championnat saison 2024-2025 qui vient de se terminer, ils ont marqué 328 buts, soit une différence de 86 buts. Donc, cette différence est aussi significative. Selon son consultant sportif, la décision qui a été prise par la Fédération rwandaise de football de ne plus recruter beaucoup de joueurs étrangers a permis aux meilleurs joueurs burundais de ne pas être recrutés à l'étranger. Et cette hausse du nombre de buts marqués peut s'expliquer par le retour des joueurs burundais qui évoluaient dans le championnat rwandais depuis la fin de 2022-2023. Suite à une mesure qui a été prise au niveau du championnat rwandais, diminuer les joueurs étrangers évoluant dans des clubs rwandais. Donc ça a fait que les meilleurs joueurs burundais qui évoluaient dans le championnat rwandais, ils sont retournés pour évoluer en Primus League, ce qui pourrait expliquer cette hausse du niveau du championnat. Parce que c'était des meilleurs joueurs, c'était des bons joueurs. Il ajoute que même les formations qui ont été dispensées à l'intention des entraîneurs locaux ont contribué à la promotion du football burundais. Une autre chose qui pourrait expliquer ça, c'est l'amélioration des compétences technico-tactiques des entraîneurs burundais. On voit clairement qu'ils ont amélioré les niveaux de compétences, surtout pour tout ce qui est tactique et offensive. Maintenant, ils préfèrent jouer avec un aspect offensif. Ils jouent au système pressing gros. Qui fait que l'équipe, il attaque l'adversaire depuis sa surface de réparation. Docteur Jean-Claude Ndoudima Jambéré précise que Sora joue un rôle important dans l'équipe nationale des joueurs locaux suite à leur performance de haut niveau. Jean-Marie Vianney Ngendakoumana, voilà à 18h21 dans le studio de la radio Isanganiro. C'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également François Kimana qui a assuré la mise en onde de très bonne suite de nos programmes.